Le bouquet de fête d'Adèle Esquiros. Chapitre 1er. C'est par une de ces soirées de novembre bien sombres, bien maussades, et qui remue en nous tout ce que nous avons de triste. Claire Raymond attend son mari et s'inquiète. Tout le monde est couché dans la maison, une grande maison avec des arbres située sur l'avenue des Champs-Élysées. On aperçoit à travers les fenêtres une faible lueur, qui ne doit s'éteindre qu'au jour. Cette lueur éclaire des gens endormis dont les lits sont alignés dans des dortoirs. Avons-nous affaire à des enfants? Nous pourrions dire oui, car il n'est pas donné à tout être de devenir homme. Ici, l'on voit des enfants déjà courbés, vieux enfants dont la couronne de cheveux blancs n'est pas l'auréole de l'intelligence. Ici, la lucidité est intermittente, l'âme sommeille, elle est malade. Disons le mot, nous sommes dans une maison de santé. Le docteur Raymond n'a pas de clientèle au dehors. Madame Raymond s'inquiète car son mari est sorti furtivement. Il y a même eu du mystère dans sa façon de disparaître. La jeune femme a interrogé le père Étienne. C'est un vieux serviteur, nous pourrions dire un vieil ami, qui depuis près de 20 ans n'a pas quitté son maître. Étienne s'est courbé, son esprit affaibli, mais son cœur est resté droit. Sur sa figure, que semble éclairer une lumière intérieure, erre un sourire qui n'est pas celui de l'idiot, mais celui de l'innocent. Ce brave homme s'est troublé lorsqu'on lui a demandé où était M. Raymond. Pourquoi s'est-il troublé? Claire s'est retirée dans sa chambre et s'est mise à un ouvrage de broderie, charmante surprise destinée à la fête de son mari. Et pendant que ses doigts entremêlent l'or et les perles, elle compte les heures. Mais les heures, lentes d'abord, car elles donnaient l'espoir, fuit avec une rapidité effrayante. Chacune ajoute à l'anxiété de la jeune femme. Pourtant, Madame Raymond est habituée à la patience. Avant d'être garde-malade, elle était institutrice. Elle a soigné l'intelligence qui naît, elle soigne l'intelligence qui décline. Ces deux missions se touchent. Pour s'expliquer l'absence du médecin, Claire a d'abord imaginé des catastrophes. Et puis le drame a disparu de sa préoccupation, faisant place à une sensation intime et douloureuse, à la jalousie. Claire a de l'humilité, car la destinée avant son mariage ne lui a pas été prodigue de bonheur. Elle est orpheline. Jules Raymond était médecin de la pension où, jeune fille, elle exerçait la profession si honorable et si humiliée de sous-maîtresse. Claire était pauvre et se croyait laide. La vérité est qu'elle ne séduisait pas à première vue. Est-ce qu'elle y pensait? Aussi n'est-ce pas de prime abord que notre médecin l'a aimée, mais à force de la connaître. Sa taille moyenne est parfaite dans ses proportions. Ses mouvements ont de la noblesse et de la grâce. La grâce du corps, dit la poésie de l'âme. Claire a de grands yeux gris qui éclairent un beau front, une voix sympathique dont la gamme n'a pas une seule note fausse. Jules Raymond avait quelquefois surpris des larmes dans les yeux de l'institutrice, mais jamais dans son caractère un mouvement d'aigreur ni de dépit. Il avait épousé Claire au grand étonnement de quelques belles dames, ses prétentieuses clientes. Ce qui augmenta le dépit des veuves et des filles pour lesquelles le docteur était un personnage, c'est que Jules Raymond ne se maria que vers 40 ans, c'est-à-dire qu'il avait laissé croître bien des espérances à son sujet. Claire avait 27 ans à l'époque de son mariage. « C'est une vieille fille, » disait en prenant des airs enfantins une élégante qui aurait pu être sa mère. « Elle ne possède rien, » disait une ambitieuse dont la position sociale ne reposait que sur des chimères. « Une sous-maîtresse, » murmurait avec pitié une héroïne qui n'avait pu trouver dans aucune profession l'emploi de son ignorance et de sa nullité. Lorsqu'on vit la nouvelle épouse diriger la maison de santé de son mari avec autant d'intelligence que de dévouement, quelques-unes abandonnèrent toute rancune. Quelques autres, les petits esprits, montrèrent plus d'acrimonie que jamais. Si le médecin eût épousé une maritorne, on fût venu chez lui jouir du spectacle de sa sottise. Mais il avait pris une femme qui savait commander avec bonté, de même qu'elle avait su obéir. Une femme qui, par ses talents acquis et ses qualités personnelles, brillait maintenant qu'elle était tirée de l'obscurité. Enfin, phénomène naturel, Claire était belle, depuis qu'elle était heureuse. Que de générosité il faut pour accepter le bonheur d'autrui. La malveillance des délaissés avait mis dans l'âme de la jeune épouse un peu d'amertume. Claire ne doutait pas des autres, elle doutait d'elle. Et dans cette nuit d'insomnie, elle s'appliquait avec angoisse toutes les imperfections qu'on lui attribuait. Avant de me connaître, il a dû trouver tant de femmes belles, spirituelles, instruites. Elle oubliait qu'elle était instruite, spirituelle, belle, et tout cela sans vanité. M'aurait-il prise par pitié? Elle poussait le doute trop loin, si loin que, dépassant toute limite, elle arrivait à se faire illusion. On trouve facilement des armes contre soi. Claire se souvint d'infimes détails qui en ce moment prirent de colossales proportions. Ce n'était pas la première fois que Jules Raymond dissimulait les motifs de ses absences. Claire avait conservé cette primitive innocence que peut enlever le monde et que la solitude sauvegarde. Une grande timidité d'action se joignait chez elle à la hardiesse, ou plutôt à l'enthousiasme de la pensée. Heureuse et fière de l'amitié dont l'entourait son mari, la jeune femme éprouvait près de lui une craintive admiration. Cette tête méditative déjà blanchie, ce front grave précocement chauve, ses yeux gris dominateurs, et puis le sérieux nécessaire aux médecins, cette science étrangère aux femmes, tout cela imposait à Claire. Raymond, chose rare, était un grand homme pour sa femme. Oh, combien de tendresse elle avait dans le cœur, tendresse contenue par un excès de respect. Ses trésors d'adoration, elle craignait que son mari ne les prît pour des enfantillages. Elle se trompait peut-être. Le trop-plein de son cœur l'étouffait, et ce cœur n'osait déborder. Elle se tenait près de l'arbitre de sa destinée comme une fille aînée mais craintive se tient près de son père. Et puis, chose triste, pour Raymond, Claire n'était pas un premier amour. Cette lumière radieuse, éblouissante qui pour nous s'allume à 20 ans, elle s'éteindra et nous serons dans les ténèbres. Nous disions « aimer ou mourir ». Nous n'aimerons plus et nous vivrons encore. Il y avait dans le cœur de Jules Raymond de ces dévastations que laissent les affections brisées. Claire, par ignorance des blessures de l'âme, ne touchait pas à ces cicatrices, peut-être encore douloureuses. Elle mettait toute sa confiance en cet homme qui lui avait donné la vraie vie, la vie de l'intelligence. Il fallut un accès de fièvre pour faire naître les tortures de la jalousie. Un premier amour s'était-il réveillé dans le cœur de Raymond? Claire pensa que cela se pouvait, et que le premier amour devait être le dernier. Les enthousiastes vont toujours à l'extrême. « Ne suis-je plus rien pour lui ?» disait Claire, toujours prête à se faire bonne mesure dans le malheur. Madame Raymond s'est mise à la fenêtre. Elle écoute chaque bruit, elle scrute chaque ombre, et le doute lui dit « En ce moment, ton mari ne vit pas pour toi. » Elle respire l'air humide de la nuit sans qu'il puisse éteindre le feu qui la brûle. À travers les fenêtres faiblement éclairées, on aperçoit le père Étienne. Il fait sa visite dans les dortoirs. Brave vieillard, bien des facultés se sont éteintes en lui. Le sentiment du devoir a survécu. Ce bon serviteur, il faut le dire, divague un peu. Aussi lui arrive, en racontant le passé, de faire devant Madame Raymond des récits imprudents concernant la jeunesse de son maître. Claire, jusqu'alors, n'a pas pris garde aux étourderies du père Étienne. En ce moment, sa mémoire lui rappelle qu'au milieu des discours les plus diffus, un nom de femme a parfois frappé ses oreilles. Un nom de femme! Quel horrible jour se fait dans l'âme de Claire, ou plutôt, quelle horrible nuit! La malheureuse ne maudit personne. Les méchants seuls savent maudire. Claire s'accuse. Une autre femme mérite mieux qu'elle d'être aimée. Quel sacrifice a-t-elle accompli pour celui qu'elle aime? Hélas! Donner notre vie, il nous semble parfois que ce n'est rien donné. D'ordinaire, Claire fermait l'oreille aux propos du père Étienne. En ce moment, elle s'étonne de sa sécurité passée. Ce nom néfaste, ce nom de femme, c'est Laurence. Ses lèvres frémissent en le prononçant, et elle envie celle qui le porte. Claire voudrait s'appeler Laurence. Mon Dieu, combien elle souffre! Le père Étienne achevait sa ronde. Madame Raymond le fit entrer dans sa chambre. Chapitre 2e. Autrefois, Étienne était grand. Il s'est courbé. Il a 80 ans. Et comme dit Chateaubriand, il aspire à la tombe. Ses cheveux, d'un blanc de neige, descendent sur son habit de forme antique. Sa physionomie annonce la quiétude. Madame Raymond baisse les yeux devant le regard souriant du vieillard. Elle voudrait l'interroger. elle craint de se dénoncer dans l'altération de sa voix. C'est qu'elle doute de son mari, si ce doute lui semble une mauvaise action. Tout à l'heure, elle s'écriait « J'ai trouvé !» Mais à l'inverse d'Archimède, c'était avec désespoir. Et voici qu'en creusant dans son malheur, elle s'égare de nouveau. Devant un témoin, elle n'ose soupçonner M. Raymond. Claire est pâle comme la mort. Heureusement, le père Étienne a la vue basse. Parfois, la souffrance donne une grande lucidité, mais parfois elle égare, comme toute chose anormale. L'infortunée est anéantie, comme si elle-même était coupable. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre qui ait failli, qu'importe d'où vient le malheur quand il nous frappe. D'abord, Claire a été saisie de stupeur. Enfin, elle retrouve la voix. On n'est pas femme pour rien, institutrice surtout. Le père Étienne s'est assis près du feu et réchauffe ses mains tremblantes. Son faible, c'est de raconter. La jeune femme a souri et fait la câline. La figure du vieillard s'éclaire, il est tout rajeuni. Il se souvient. Ce souvenir, c'est vivre encore. Il évoque tout un monde. Claire voit Jules Raymond alors qu'il avait 30 ans. Elle le voit, illuminé de toute la poésie de la jeunesse, mais elle le préfère tel qu'il est aujourd'hui. Elle aime mieux l'homme qui a souffert que le beau jeune homme. Le père Étienne ne tarde pas à naviguer à toute voile dans les indiscrétions. On ne vit pas impunément dans une maison d'esprit malade. « Parlez-moi de Mademoiselle Laurence, » s'écrie tout à coup Madame Raymond, avec du rire dans la voix, pendant que son cœur pleure tout bas. « C'est une jeune femme bien bonne, aussi bonne que vous. » Le vieillard, revenant tout à coup à la réalité, regarda Claire avec de grands yeux surpris. Celle-ci eut le courage de rester calme. « Je sais tout, » dit-elle. « J'aime à vous entendre raconter la jeunesse de M. Raymond. Parlez-moi de ce qu'il a aimé de Mademoiselle Laurence. Elle est bien belle, n'est-ce pas ?» Le brave homme fit un signe d'admiration. « Autrefois, vous la voyiez souvent, tous les jours. C'était moi qui conduisais les chevaux. » La jeune femme touchait à ce dernier mot d'une révélation qui peut-être allait briser sa vie. Elle n'hésita pas, et d'une voix calme, pendant qu'une sueur froide lui venait au front et que le sang se figeait dans ses veines, « Monsieur Raymond la revoit encore ?»« Vous savez ?»« Oui, je sais. » Claire se hâta d'ajouter en femme qui ne veut pas que son mari, même coupable, soit humilié devant elle. « Le devoir oblige Monsieur Raymond à revoir Mademoiselle Laurence. »« Père Étienne, attelez la voiture et conduisez-moi chez Mademoiselle Laurence. » s'écria tout à coup Madame Raymonde, les joues empourprées, les yeux brillants de cette fièvre qui ne laisse pas de place à la raison. La taille du vieillard se redressa. Il regarda la jeune femme avec stupeur. Mais retombant bientôt dans sa sénilité habituelle, il obéit, comme si l'ordre qu'il venait de recevoir n'avait rien d'extraordinaire. On part. Où va-t-on? Qu'importe. La pauvre femme s'abandonne au hasard. Il est plus de minuit. Que va-t-elle trouver à cette heure? Quel prétexte donner à sa folie? Elle ne sait. Mais les chevaux brûlent le pavé et son anxiété devance les chevaux. Chapitre 3e. Après avoir traversé des quartiers nouveaux, magnifiques rues, encore à l'état d'ébauche, on s'arrête devant une maison de belle apparence et dont le premier étage est éclairé. Madame Raymond s'élance de la voiture et franchit l'escalier. Une porte est entrouverte. Elle traverse une antichambre et se trouve dans un salon. Elle n'a demandé aucun renseignement. Elle sent qu'elle est chez sa rivale. Partout du luxe, de l'originalité et surtout du désordre. « Suis-je chez une femme de lettres ?» se demande Claire. Au dérangement des meubles, à la poussière, au bout de cigare jeté sur le tapis, on devine que ce séjour n'est pas souvent solitaire et qu'il est surtout fréquenté par des hommes. Madame Raymond commence à rentrer dans la réalité. Elle s'effraie de sa démarche. Si elle n'écoutait que son cœur, elle se jetterait aux genoux de cette Laurence et lui dirait « Ne me prenez pas l'amitié de celui que j'aime. Mon mari est toute ma vie. » Mais elle songe que c'est elle qui a dérangé la vie de sa rivale. Sa rivale a aimé Raymond la première. Un portrait en pied occupe la place d'honneur du salon. Il représente une jeune femme blonde, à la taille svelte, aux grands yeux d'un bleu sombre. Les joues sont relevées d'une teinte de carmin qui, tranchant sur l'albâtre du cou et des épaules, donne à cette figure un aspect éclatant. Les bras sont nus et couverts de bijoux, des rubans et des fleurs dans les cheveux, des fleurs au corsage, des fleurs partout. Qu'elle est belle, soupire Madame Raymond. C'est bien ressemblant, n'est-ce pas? Prononce une voix claire et harmonieuse. Et sans attendre de réponse. Seulement j'ai pâli et j'ai beaucoup maigri. J'ai une vie si bouleversée. Et puis j'ai changé ma coiffure. Dites-moi, vous avez l'air d'une bonne personne. Dois-je continuer à porter un hérisson ou me remettre les cheveux en neige comme dans mon portrait? Un hérisson rajeuni, n'est-ce pas? Madame Raymond donna son avis sur le hérisson et sur la neige, se demandant si une telle écervelée était capable d'une action odieuse. À quelle classe appartenait Mademoiselle Laurence? On le devinait aux nombreux portraits qui ornaient le salon. Ici le front portait un diamant et des épaules descendaient le péplum romain. Là, des cheveux épars entremêlés de faux l'avoine rappelaient Ophélie. « Je suis magnifique dans les rôles d'insensé, » s'écria Laurence. « Je les joue au naturel. Vous savez, j'étais un peu folle. » « Je l'ignorais. » « Que je suis étourdie. Je vous prenais pour une actrice que j'ai connue à Bordeaux. Était-ce à Bordeaux? Non, c'était à Francfort. Il y a tant de ressemblances entre vous deux, et puis je vois tant de monde. » « Quel rôle jouez-vous donc au théâtre? Je ne me souviens plus. Les femmes sérieuses, n'est-ce pas ?» Et sans attendre de réponse, Laurence courut se quereller avec sa camériste, qui à l'autre bout du salon se souriait dans une psyché, puis revenant tout à coup. « Ma chère, il faut que je te donne un conseil. Moi d'abord, je suis bonne camarade, tu sais, madame. Où donc ai-je la tête? Excusez-moi. Mais cela n'empêche pas le conseil. Entre nous, madame, vous êtes horriblement fagotée. Votre habilleuse est une cuisinière. Échancrez ce corsage. Mettez un peu de rouge, beaucoup de blanc, un soupçon de noir, un zeste de bleu, quelques grains de beauté par-ci par-là. Tel que vous êtes, si vous aviez un amoureux. Avec une pirouette, une figurante vous l'enlèverait. Dans notre état, la coquetterie, c'est la moitié du talent. Et combien donc un demi-talent? Cléopâtre, s'écria-t-elle en courant de nouveau vers sa camériste, veux-tu bien ne pas mettre tes pieds dans mon manchon? Il faut que je vous forme. Ah, j'aurai de la peine. D'abord, vous manquez d'aplomb. Feignez de l'embarras, mais n'en ressentez pas. Si vous pensez sérieusement, si vous aimez sérieusement, vous ne feriez pas d'effet. Hannibal, tu réponds dans le feu, mon huile antique. Prends garde à toi. Qu'est-ce que je vous racontais, madame? Bah, José, tu saccages ma poudre à la maréchale. Je vous disais donc. Tamerlan, tu vas recevoir sur les ongles. M'y voici. Une seule fois dans ma vie, j'ai eu le trac. Je m'en souviendrai toujours. C'était, je crois, à Valence, ou plutôt à Strasbourg. J'entre en scène. Je représentais... Qu'est-ce que je pouvais donc représenter? Bajazet, veux-tu bien ne pas déchirer mes dentelles? Cléopâtre, Bajazet, Hannibal, Tamerlan, vous allez me faire sortir de mon caractère. Et toi, Sardanapale, tu crois que je ne vois pas ce que tu fais? Il faut dire qu'à la voix sur aiguë de l'actrice se mêlaient des glapissements, des ricanements, des ronflements et des grognements. C'étaient les voix d'Hannibal, de Tamerlan, de Bajazet et de Sardanapale, troupes mal élevées, qui formaient un affreux concert. Madame Raymond était toute interdite. L'atmosphère chaude et très parfumée du lieu, ses ricanements, ses grognements et ses glapissements qui sortaient de partout, ici d'un flot de dentelles, là d'une corbeille de fleurs, à côté d'une perruque, ces phénomènes jetaient clair dans le vague. Et puis, ce beau désordre n'était pas un effet de l'art. Des livres avec les pantoufles, des sucreries avec de faux cheveux, et que saccageaient Sardanapale, Tamerlan, Hannibal et Bajazet. Tout cela fit supposer à la jeune femme qu'elle était en pays de féerie chez la fée Tohu-Bohu. Hâtons-nous de dire que Hannibal, Bajazet, Tamerlan et Sardanapale n'étaient que de vulgaires comparses et nullement les véritables héros de ces noms. Hannibal, gros perroquet rouge, tout en déchiquetant une palatine de martre, vous écorchait les oreilles en criant d'une voix rouée des bribes de rôle. Bajazet, affreux sapajou, monté sur la cheminée, culbutait porcelaine et cristaux tout en croquant des morceaux de sucre. Tamerlan, griffon rageur, roulé dans un châle de cachemire, des griffes et des dents faisaient le plus de besogne possible. Enfin, Sardanapale, bel angora blanc, paré d'un ruban ponceau, aiguisait ses ongles sur le dos d'un fauteuil de velours. Laurence allait de l'un à l'autre de ces personnages, distribuant à tort, à travers, des tapes et des caresses, et faisant plus de bruit que tous à la fois. L'actrice, au milieu de la bagarre, lançait à sa servante Cléopâtre des quolibets que celle-ci lui renvoyait lestement et fortement accentués. Il faut dire que dès l'apparition de Laurence, Madame Raymond avait été subjuguée par l'éclat, par la vivacité, par ce brio d'artiste qui pouvait séduire au premier abord. Mais l'attention se lassait bientôt d'une conversation décousue, frivole et sans idée. Claire, en entrant, s'était dit « On peut aimer cette femme ». Quelques minutes écoulées, elle se demandait « Comment peut-on la supporter ?» Au physique, Laurence produisait le même effet qu'au moral. Elle paraissait d'abord une charmante jeune femme, et puis des rides se dessinaient sur son front, et les plis du sourire étudié s'accusaient dans sa physionomie. On se demandait « A-t-elle 20 ans ? En a-t-elle 50 ?» Il y avait dans sa voix des notes fausses et éraillées. Enfin, Laurence, avec toutes les prétentions possibles à la séduction, était comme ces poètes auxquels il ne manque que la poésie. « Ce serait faire injure à mon mari que de me supposer une pareille rivale, » pensa Claire. Madame Raymond se sentit réconfortée. « Folle que je suis, » disait-elle, « d'avoir pris au sérieux les divagations du père Étienne. Quel rêve affreux et ridicule je viens de faire, pendant que mon mari m'attend à la maison et ne sait comment expliquer mon absurde escapade. » « J'entends ma fille qui tousse, » s'écria Laurence, occupée à caresser Sardanapale. « Venez voir que ma fille est jolie. » Dans cet étrange milieu, Madame Raymond se sentait complètement annihilée. Machinalement, elle suivit l'actrice. Dans un petit lit blanc était couchée la plus charmante des enfants. Le front bien développé annonçait une précoce intelligence, pendant que sur toute la physionomie brillait la candeur la plus angélique. « Comment la trouvez-vous, ma Juliette ?» Ce nom réveilla la douleur de Claire. Elle s'était dit parfois « Si j'avais une fille, je l'appellerais Juliette. » « Elle ressemble à son père, » continua Laurence. « Tant mieux, les brunes se conservent mieux que les blondes. »« Ferdinand, va donc étudier ton rôle dans le salon. » Ces mots s'adressaient à un jeune homme roux, à figure anguleuse et qui, devant une glace, étudiait des poses. Claire regarda Juliette et regarda Fernand. Aucune ressemblance n'existait entre ces deux créatures. L'actrice continua avec cette volubilité qui n'attend pas la réplique. « Je l'adore, cet enfant. » Et joignant l'action aux paroles, elle embrassa le sapajou. « J'en étais privée depuis 5 ans. Elle était en pension, son père allait la voir. Moi, je voyageais. J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Russie. Avez-vous joué en Russie, madame ? Que je suis donc folle. Je confonds toujours. Jugez de mon désespoir. J'arrive. Je demande ma fille à cor et à cri. Soit l'effet de l'émotion, du changement d'air ou peut-être du bruit indispensable à mes études, Juliette a des convulsions. J'ai eu une peur horrible. Vous dire ce que j'ai souffert ? Fernand, mon cousin Fernand, a couru chercher le médecin, M. Raymond, un homme en qui j'ai toute confiance. Le connaissez-vous, M. Raymond ? Il faut que je vous le fasse connaître. En ce moment, je suis à sa recherche. Et moi qui oubliais de m'informer du sujet de votre visite, vous prenant pour une de mes amies, j'ai tant d'amis et si peu de mémoire. Figurez-vous qu'en Portugal... Non, c'était en Hollande. Avez-vous visité la Hollande ? Claire interrompit la trop loquace artiste en s'excusant de l'avoir dérangée à cette heure indue. « Vous ne m'avez pas dérangée du tout, ma chère. Dans notre état, le jour, c'est la nuit. Demandez à Fernand. Vous êtes, du reste, arrivé fort à propos. Monsieur Raymond va revenir. Il est allé préparer certaines drogues nécessaires à Juliette. Tenez, je l'entends. Cachez-moi, madame, s'écria Claire, pâle comme la mort. Comment ? Vous avez peur d'un médecin ? Êtes-vous enfant ? Ah, si vous connaissiez Monsieur Raymond ! Qu'il ne me voit pas, de grâce ! Comme vous voudrez. » L'actrice entr'ouvrit la porte d'une chambre où Claire n'eut que le temps de se blottir. Jules Raymond entra. Il avait ce caractère grave et digne de l'homme qui accomplit un devoir. La porte de la chambre noire était restée entr'ouverte, et Claire le regardait. Elle se sentit remplie de confusion et de remords d'avoir pu douter de lui. Elle eût voulu se jeter à ses pieds et lui demander pardon de sa folie. Raymond, après avoir déposé sur une table des fioles et des boîtes, s'approcha du lit et contempla la petite malade. « Papa !» s'écria Juliette, en entourant de ses petits bras le cou du médecin. Chapitre 4e. Quelques jours se sont écoulés depuis les événements que nous venons de raconter. Raymond n'a pas soupçonné l'accès de jalousie de sa femme. « Il a douté de moi, » soupire Claire. « À sa place, j'aurais tout dit. » Hélas, ceux qui disent tout sont bien souvent ceux qui n'ont rien à dire. Nous sommes au dimanche. la maison est tout en joie. À la fête du bon Dieu se joint la fête de Raymond. Claire a soigné sa toilette afin d'être en ce beau jour plus belle que jamais. Les pensionnaires ont oublié leur maladie. Le père Étienne est rajeuni. C'est le 20e anniversaire qu'il souhaite à son maître. Enfin, Jules Raymond paraît. La foule s'écarte, comprenant qu'à Madame Raymond appartient le droit d'embrasser le médecin la première. Mais Claire ne va pas présenter son front à son mari ainsi qu'elle a fait chaque année. Soulevant une draperie, elle prend dans ses bras une petite fille vêtue de blanc et dont les épaules ruissellent de boucles de cheveux noirs. « Voici mon bouquet de fête, » dit-elle. « Juliette, ma fille !» s'écrie Raymond en serrant sur son cœur sa femme et son enfant. Laurence, après avoir épousé son cousin Fernand, est partie pour le Mexique. De là, elle compte aller à Pondichéry et ne pas s'arrêter en si beau chemin. Claire Raymond, entre son mari et sa fille d'adoption, est maintenant la plus heureuse des femmes. Ainsi s'achève le bouquet de fête d'Adèle Esquiros.